بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 63 بعد المئة، 163 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة أم حبيبة أتات أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتساور فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه أو على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وأولئك شرار الخلق عند الله. Selon Aïcha, elle a dit que lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم était en train de subir justement les douleurs de la maladie qui ont causé sa mort, certaines des femmes qui étaient autour de lui ont décrit une église qu'elles avaient vue en Habasha, en Éthiopie à l'époque. Et cette femme s'appelle Maria. Et également, Umm Salama et sa femme Habiba étaient présentes sur la terre de Habasha. Et également, elles ont cité ce qu'elles ont vu comme beauté de ces églises et également ce qu'elles contenaient comme image, comme représentation. Vous savez, comme on voit sur les vitraux, dans les églises, d'accord, les images qui représentent Isa ou qui représentent les Malaïka ou qui représentent sa mère ou autre. D'accord ? Donc ils ont cité tout cela au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a levé sa tête et il a dit cela en parlant de ces Nasara, gens du livre: lorsque meurt chez eux un homme pieux, ils construisent sur sa tombe un masjid, c'est-à-dire un lieu d'adoration, un lieu de culte. Et ils font ses représentations, c'est-à-dire ils font sa statue ou son image, comme ils font avec les saints et autres que cela. Cela sont la pire de la création pour Allah Azza wa Jal. Yaqulu Sheikh Al-Faymin, Arrawi, du hadith, le rapporteur, c'est Umm al-Mu'minin, la mère des croyants, Aïcha Umm Abdillah, radiallahu anha. Modul hadith, Bayen Hukm Bina al-Masajid al-Kubur. C'est bien pour montrer le jugement du fait de construire un masjid, un lieu d'adoration sur une tombe. Et cela, c'est une chose qui est relative au tawhid. Yaqulu al-Sheikh fil Sharh al-Ijmali, explication globale du hadith. Tourbilu Umm al-Mu'minin, Aïcha, radiallahu anha. أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض كان عنده بعض نسائه يتحدثن بالأحاديث تأسيا وتآنسا له وتحقيقا لحسن العشرة بينهن وبينه صلى الله عليه وسلم، وكان بينهن زوجتاه أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما، فذكرتا له كنيسة رأتها في الأرض الحبشة أيام حجرتها إليها مع زوجيهما. Donc justement, Aïcha l'informe que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans sa maladie, il avait autour de lui certaines femmes qui discutaient. Et cela en vue de pouvoir l'apaiser et de pouvoir faire preuve d'une bonne entente auprès de lui. Et parmi ces femmes-là, il y avait ses deux épouses qui étaient Umm Salama et Umm Habiba, qui ont, elles, parlé d'une église qu'elles ont vue en terre de Habasha, en Éthiopie, lorsqu'elles y étaient, lors de la première hijra. À l'époque, elles y étaient, elles n'étaient pas encore mariées avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Umm Habiba a été mariée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement là-bas par Al-Najashi. C'est lui qui a payé le mahr et c'est lui qui a été le wali de Umm Habiba, car c'était lui le gouverneur. Zakarata min husniha wa tasawir fiha ta'ajuban min zalika wa min ajli azm hadha wa khatarihi ala tawhid hadana wa hanadha wa nahadha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'sahu. وبين لهما أسباب وضع هذه الصور تعذيرا لأمته مما صنعوا. Donc lorsqu'elles ont cité justement la beauté des églises qu'elles ont vues là-bas, ainsi que toutes les représentations qui s'y trouvaient, comme statues, comme images et comme dessins, et cela par étonnement de cela, et pour faire comprendre l'importance, ou plutôt le danger de la chose, par rapport au tawhid, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé sa tête et leur a expliqué les causes de l'agissement de ces gens-là à l'époque pour avertir sa communauté de ne pas agir de la sorte. Donc il a dit, le Nabi sallam, à propos de ces gens-là, que eux, lorsqu'un homme pieux chez eux meurt, d'accord, ils bâtissent sur sa tombe un lieu de culte. Et ils font la salat auprès de lui. et ils le représentent, ils font sa représentation. Et il a dit que le Nabi Salam, que ces gens-là sont les pires de la création auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour leurs agissements, justement. Ce que là peut causer comme fitna et comme association par la suite. Cela amène à ce que les gens fassent du shirk billah. Naam. يقول في فوائد الحديث أصنمت الحديث تحريم بناء المساجد على القبور وأنه من فير شرار الخلق الله qu'il est interdit de construire la masajid sur les tombes et que cela est parmi les actes des pires gens de la création. ثانيا جواز التحدث عند المريض ومعه بشرط ألا يتجره أو يتجره qu'il est permis de discuter auprès du malade à condition que cela ne le fatigue pas plus. ثالثا جواز تحدث الإنسان بما شاهده من العجائب وإن كان حراما إلا أن يكون في ذلك إغراء بالحرام qu'il est permis à la personne de discuter d'une chose qu'il a vue parmi les choses étonnantes même si c'est une chose qui était interdite sauf si cela amène à ce que ce haram soit cautionné. Donc quelqu'un qui a vu une chose qui est haram illicite et qui l'a surpris, qui l'a étonné, il peut en parler, il a le droit d'en parler. رابعا وجوب المبادرة ببيان حكم المنكر وإن كان موضيع إعجاب من الناس et qu'il est obligatoire de faire vite justement de montrer le jugement d'une chose qui est blâmable même si cela est dans un moment où les gens en sont étonnés. Faut se hâter à leur faire comprendre que cela est une chose qui est mauvaise pour ne pas que ça rentre dans leur cœur. خامسا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد وتحذيره من وسائل الشرك ce qui montre comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a glorifié justement le côté du tawhid, l'a protégé et qu'il a mis en garde tous les moyens qui mènent vers le shirk. Sadisan kamal nush an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa bayanu al-haq ala ay hal kana. C'est là qui montre justement le conseil du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'il démontrait la vérité en toute situation. Et cela montre justement le danger de du taswir des représentations car cela a été la première cause de shirk dans le peuple de Noé. Et également, c'est parmi les marques de shirk qui ont amené les Nasara à faire du shirk avec ces images qu'ils faisaient comme pour se remémorer les gens pieux qu'ils aimaient auparavant. Même si par d'une bonne intention, cela arrive à un mal. Et il n'y a pas de différence avec ce que ces gens-là ont fait et ce que des gens font également en filmant ou photographiant les savants aujourd'hui. D'accord, pour les voir, soi-disant, ou pour profiter d'eux, ce genre de choses. Cela n'est pas utile. Comme l'a dit Cheikh Al-Albani, leur voix suffit. Et si tu vois le savant, fais comme le salaf, tu voyages et tu vas le voir. Le mérite d'un savant, de le voir, c'est justement la fatigue que l'on ressent en faisant le voyage pour aller vers lui. C'est là qu'on a les récompenses. Mais le voir sur une télévision, sur YouTube ou autre, cela n'apportera rien du tout. Le ilm du alim, c'est dans ce qu'il dit, et non pas sur son image à lui ou son visage ou réel de l'alika. Non. Fabien Delcon, Naktafi, ou Alhamdulillah, Rabbil Alamin.